peut arriver effectivement qu'on pense spécifiquement à un acteur en écrivant. Alors ça On peut même influence. écrire un film pour un acteur? Ah ben bien sûr, Ouais. on peut écrire un film pour un acteur. Enfin, pour un acteur, souvent l'acteur n'est pas au courant, hein, qu'on C'est écrit vrai. pour lui. Mais en tout cas, il nous aide bien involontairement pour écrire, pour aller au bout du truc. Et puis en fait, c'est pas lui qui va le faire, c'est quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on va faire une gymnastique, on va le mettre à la place. Au début, si on se dit que ça va pas, ça va pas. Et puis à la fin, on se dit, tiens, finalement, c'est mieux. Et puis on va faire croire en plus à l'autre acteur qu'on l'a écrit pour lui. Parce que c'est un monde de mensonges aussi, le monde du cinéma. Par définition, Ouais, mais non? tu vois, moi, mon film que j'avais écrit en pensant à vraiment quelqu'un d'autre, je l'ai dit à Romain Duris quand je l'ai D'accord. rencontré. Je lui ai dit, D'accord. écoute, franchement, je pensais pas du tout à toi. Je vous voyais pas. Mais, mais voilà, c'était bien parce que moi, j'ai vu qu'il avait un ego, je dirais, gérable. Donc, et en même temps, bon, elle a pris ça peut-être comme un défi, justement, de s'approprier ça. Et je pense que c'était. Il était, enfin, moi je l'ai trouvé formidable dedans, donc ça fait partie des bonnes surprises. Mais oui, évidemment, on a des supports quand on écrit, on n'écrit pas de. Mais ça peut être des figures rêvées même. Je ne sais pas comment vous travaillez, vous, mais Tu penses? il y a des. Non, rarement, c'est vrai que c'est un peu des avatars aussi. Oui, C'est une c'est espèce de visage, pas de des visage. visages qui se construisent C'est comme ça, je dirais.